Bonjour à vous. Bienvenue dans cette méditation. Une courte introduction avant de débuter pour la mettre en contexte, car cette méditation fait partie d'un projet qui me tient énormément à cœur, initié par ma meilleure amie, Sarah Bekens, connue aussi sous le pseudonyme de Sororifemme. Je vous mettrai son nom et toutes les informations qui vont suivre dans la description de la méditation. Sarah a en effet initié un projet collaboratif autour de l'endométriose. Elle-même sait ce que c'est que de traverser des crises de douleur intenses que personne d'autre ne peut comprendre. Elle sait ce que c'est que de se retrouver face à un corps médical très mal outillé. Elle sait également ce que c'est que de se sentir très seule face à cette maladie. Durant des années, elle a rassemblé des dizaines d'informations, de recettes, de conseils, pour pouvoir un petit peu alléger ce quotidien avec l'endométriose. Elle a ajusté, adapté chaque chose qu'elle trouvait. Et à présent, elle souhaite que cette boîte à outils, ce coffre au trésor, puisse être à la portée de toute personne qui en aurait besoin. De là est né son site internet, Sororifemme Endométriose. Le lien sera également dans les informations de cette méditation. Ce site internet est là pour soutenir, épauler, offrir plein d'outils gratuits aux personnes souffrant de cette maladie. Et l'aspect également particulier et précieux de ce site internet est qu'il est collaboratif. Donc si vous voulez contribuer à cette boîte à outils pour soutenir les personnes souffrant d'endométriose, si vous savez que vous pouvez créer quelque chose, offrir votre expertise dans un domaine pour contribuer à l'élargissement, l'enrichissement de ce coffre au trésor, contactez-moi ou contactez Sarah. Nos adresses courriel seront également dans la description de cette méditation. Cette méditation est donc enregistrée en ayant principalement à cœur les personnes touchées par l'endométriose, mais aussi toutes les personnes vivant avec une douleur chronique, toute personne cherchant un peu de réconfort aujourd'hui. Merci de prendre ce temps pour vous. Merci d'avoir le courage d'être là. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Je vous souhaite une très bonne écoute. Installez-vous dans une posture qui vous permet de vous sentir soutenu. Donc que ce soit en utilisant des coussins, une ou plusieurs couvertures, peut-être même des bouillottes pour amener un peu de chaleur à certaines zones qui ont besoin de réconfort comme le bas du ventre, le bas du dos. Vous pouvez choisir d'être en posture allongée ou assise. Vous savez mieux que quiconque ce qui est le plus adapté pour vous en ce moment même. Prenez votre temps. À présent installé, je vous invite à prendre d'ores et déjà une très grande respiration avec moi. Par les deux narines, inspirez profondément. Ouvrez la bouche et expirez par la bouche. À partir de maintenant, vous pouvez choisir de garder les yeux ouverts ou de délicatement laisser vos paupières se fermer. Et pour l'instant, respirez à votre rythme. Observez la façon dont le souffle est en train de se déposer dans votre poitrine, dans le haut de l'abdomen, dans vos narines. Grâce au son de ma voix, venez vraiment vous accrocher à votre respiration. Parfait. Concentrez-vous sur les trois prochaines respirations que vous prenez. Inspirez. Expirez. Encore deux. Toujours ensemble, vous prenez maintenant conscience de la posture que vous avez adoptée. Juste quelques détails. L'angle de votre visage. Si l'une de vos épaules touche le sol ou non. Est-ce que vos mains sont ouvertes ou tiennent quelque chose? Vous vous rendez compte de l'angle de vos jambes, la façon dont elles sont déposées. Et même le poids des accessoires que vous avez peut-être choisis et qui vous apportent du réconfort. Parfait, revenez au souffle. Et cette fois-ci, nous allons prendre trois grandes respirations ensemble. Par les deux narines, allons-y, inspirez profondément. Par la bouche, expirez profondément. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, du mieux que vous pouvez, inspirez par les deux narines. Expirez par la bouche, laissez tout aller. Résistance, douleur, expirez là. Demeurez là, demeurez dans la respiration. Respirez du mieux que vous pouvez en ce moment même, comme si chaque respiration devenait une porte ouverte sur un moment de répit. Imaginez chaque respiration comme une clé qui vient ouvrir un espace de douceur dans votre corps, un relâchement, un soupir. À chaque inspiration, vous pouvez inspirer du courage, de l'amour, du soutien. À chaque expire, vous allégez les tensions de votre corps, vous ouvrez un espace de douceur en vous. Puis ramenez votre attention sur les traits de votre visage. Et imaginez qu'une lumière très douce, soyeuse, chaleureuse s'y dépose sur chaque centimètre de votre visage, une lumière chaleureuse se dépose maintenant. Vous savez, cette lumière si particulière, des levers et couchers de soleil, à la fois dorés, avec une touche de rose, d'orange, de violet. Imaginez cette lumière qui recouvre votre front, vos joues, l'entièreté de la mâchoire. Et à chaque endroit qu'elle touche, un apaisement se fait. Quand cette lumière se dépose sur votre visage, elle apaise vos traits, chacun de vos traits. Et votre visage se détend un peu plus à chaque respiration que vous prenez. Inspirez et expirez dans cette lumière dorée. Et à présent, juste en y pensant, juste en respirant avec moi, laissez cette lumière desserrer un peu plus vos mains. Laissez cette lumière glisser, s'enrouler, exactement là où vous en avez besoin. Et imaginez que vous êtes capable de trouver une sensation en ce moment même en vous qui vous fait du bien. Même un tout petit peu, il y a un endroit quelque part en vous où cette lumière dorée s'enroule qui vous permet de souffler. De prendre une grande respiration et de souffler enfin, n'est-ce pas? Offrez-vous ce soupir, offrez-vous cette respiration profonde maintenant. Inspirez par les deux narines à nouveau. Expirez le plus profondément possible, allez-y. Et dans la prochaine minute, juste grâce au pouvoir du souffle et de votre concentration, imaginez que vous flottez un instant dans cette lumière-là. Elle vous enveloppe, elle vous soutient, elle vous réconforte. C'est un moment de répit, car vous vous concentrez sur cette sensation de flottement, de réconfort, grâce au souffle. Une dernière minute, juste ici, avec vous-même, soutenu par ma voix. Respirez du mieux que vous pouvez. C'est déjà beaucoup. Vous pouvez rester dans cette posture que vous avez trouvée encore un instant, peut-être même un peu plus longtemps, si vous sentez que c'est un endroit où votre cœur se sent bien, se sent mieux. Vous savez que votre respiration reste à vos côtés et qu'à chaque fois, elle viendra ouvrir un nouvel espace de douceur dans votre corps pour vous permettre un moment de répit. Prenez tout votre temps. Restez là autant qu'il faut. Et surtout, remerciez-vous du plus profond de votre cœur pour avoir pris ces quelques minutes à travers le souffle et à travers la lumière qui réconforte. Merci à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Merci, merci, merci.